Vous êtes à l'écoute de Futur Simple au 89.1 et on va commencer par un petit tour, en fait, un peu de géographie. C'est un fait acquis que pour tous aujourd'hui que la planète est divisée en 6 continents. En fait, c'est un nombre. En fait, ça peut être entre 5 et 7 selon le cas. On parle de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie, et on peut aussi compter l'Antarctique. Mais saviez-vous qu'il existe un continent de plus, en fait, on va dire le septième, dans le nord-est de l'océan Pacifique, de la taille du tiers des États-Unis. Il s'agit du continent de plastique, la grande plaque de déchets du Pacifique, nommée aussi la grande poubelle du Pacifique. Alors, notre chroniqueuse Mélanie Jean, qui est d'ailleurs diplômée en géographie, nous amène à la découverte de ce nouveau continent. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Alors, tu m'entends bien malgré le balai mécanique? Oui. Alors, depuis quand est-ce qu'on connaît l'existence de ce continent de plastique? Eh bien, cette immense plaque de déchets qui recouvre des millions de kilomètres carrés et qui dérive dans l'océan Pacifique Nord, comme tu l'as dit, a été découverte en fait par hasard en 1997 par un navigateur du nom de Charles Moore qui traversait à la voile l'océan Pacifique entre Los Angeles et Hawaï. Donc, la plaque de déchets du Pacifique Nord se compose en moyenne d'à peu près 335 000 débris par kilomètre carré. Mais ça, c'est une moyenne parce qu'à certains endroits, il y a des pics qui frôlent et même parfois qui dépassent le million de fragments de plastique par kilomètre carré. C'est énorme. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un phénomène qui est unique à l'océan du Pacifique parce qu'on retrouve d'immenses plaques de déchets qui flottent sur à peu près tous les océans du monde. La plaque de l'Atlantique Nord, pardon, pour vous donner une idée, elle a une taille comparable à celle de sa voisine du Pacifique. Elle renferme en moyenne 200 000 débris par kilomètre carré. En fait, quelle est l'origine des déchets dans l'océan, des déchets de plastique? Les déchets qui envahissent les océans, ils proviennent à 80 % des continents. Ils sont portés par le vent ou par les rivières et le reste va tomber majoritairement des navires commerciaux. Jusqu'alors, les débris qui flottaient étaient détruits par les micro-organismes. Mais là, c'est plus le cas avec l'arrivée des plastiques comme le polyéthylène, le polypropylène et le polytéryphthalate d'éthylène qui constitue 90 % des déchets maritimes. Donc, les micro-organismes ne sont pas capables de détruire ce type de plastique-là. Des biodégradés. Et ces quantités ne cessent d'augmenter. Et puis, ces plastiques-là mettent des centaines d'années, voire plus que ça même, à se dégrader. On estime d'ailleurs que 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. Et de ces 300 millions de tonnes-là, il y en a 10 % qui vont finir dans les océans. Donc, c'est considérable. Et ces plastiques mettent, comme je l'ai dit, des centaines et des milliers d'années à se dégrader. Et même si la lumière du soleil photodégrade quelque peu certains polymères de plastique en fractionnant ces plastiques-là en petits morceaux, mais ce phénomène-là, en fait, vient empirer les choses. C'est devenu, les fragments deviennent de plus en plus petits. C'est ça. Et le plastique devient alors une menace pour la biodiversité parce qu'il peut être ingéré par des poissons, des oiseaux et toutes sortes d'autres organismes marins qui vont subir des blessures et même ils vont mourir étouffés. Exactement. Ben, l'exemple le plus classique, là, c'est la tortue qui s'étouffe avec un sac de plastique parce qu'elle va le confondre avec des méduses, qui est sa nourriture principale. OK. Et d'ailleurs, Greenpeace estime qu'à l'échelle mondiale, il y a environ 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins qui vont mourir chaque année par l'ingestion de plastique. C'est quand même un impact qui n'est pas négligeable. Oui, et c'est assez énorme. L'un des meilleurs exemples aussi que je devrais plutôt dire un des pires, que je peux vous donner aussi de cette pollution-là dans le Pacifique, c'est l'île de Midway. Vous tapez ça sur Internet, là, Midway, M-I-D-W-A-I. C'est pas au nord d'Hawaï, ça? Un peu, oui. Et les images que vous allez voir sont pas très belles. C'est en plein milieu de l'océan Pacifique et c'est envahi de débris de plastique. Et il y a des dizaines de milliers d'albatros qui nichent là. Et les jeunes vont mourir souvent dans les premiers jours de leur naissance parce que leur estomac va se remplir de déchets de plastique qui provient de la grande poubelle du Pacifique. Parce que les parents vont les rapporter inconsciemment à leurs jeunes parce qu'ils vont les confondre avec leur nourriture habituelle. Puis là, on parle effectivement des trucs comme des brosses à dents. Oui, des briquets. Parce que ça ressemble à des morceaux de poisson, des choses comme ça. Puis ce qui est curieux, c'est que dans ces îles-là, je pense que c'est pas habité, ça. Donc, non, c'est pas habité. Dit, le plastique n'origine pas de là. Non. C'est vraiment les adultes qui vont en haute mer, qui prennent des choses qui flottent et qui vont nourrir leur bébé avec ça. C'est ça. Et en plus de ça, les déchets, ils génèrent des substances toxiques dans les océans et ça peut créer même un déséquilibre dans les écosystèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces énormes poubelles flottantes? Est-ce que c'est possible de nettoyer les océans des débris de plastique? La tâche semble titanesque vu écoute, l'ampleur des zones à nettoyer. Ah oui, tout à fait, parce que là, l'accumulation de plastique dans les océans, ça tue directement, comme on l'a vu, des centaines de milliers, voire même des millions d'animaux aquatiques chaque année. Et cette pollution-là aggrave le phénomène des algues nuisibles, on s'est aperçu de ça, ah. Et que ça amène aussi des espèces envahissantes, parce qu'il y en a qui vont profiter de ce plaque de plastique-là. Uh-huh. Et ça sert aussi de moyen de transport pour les polluants qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Donc, partant de ce constat alarmant, il y a un jeune Néerlandais de 19 ans qui aurait peut-être la solution à ce problème-là. Il aurait conçu une plateforme, en fait, de façon théorique, sur plan. Il aurait conçu une plateforme capable de nettoyer une bonne partie des milliards de déchets qui encombrent nos océans. OK. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, de quoi consiste cette solution? Ben, selon lui, la solution ultime à la pollution est assez facile. Il faut fermer le robinet en mettant fin à notre dépendance envers les articles qui sont jetables en plastique et les emballages. Ça, c'est le premier objectif. C'est ça. C'est le point de départ, il est là. Nous avons besoin aussi d'une meilleure gestion des déchets vraiment au niveau mondial et prendre conscience que les problèmes, de tous ces problèmes-là qui engendrent nos déchets. Donc, il faudra des changements d'abord radicaux au niveau législatif, industriel, individuel, dans toute la société. Malgré tout, même si on ferme le robinet, ben là, on a besoin de sortir de l'océan ce qui flotte. Oui, en fait, c'est un problème de taille qui se pose ici. Et car c'est pas aussi simple que de nettoyer les rives d'un cours d'eau. Vraiment là. Pas, non. Parce que le principal problème avec les déchets de plastique dans l'océan, c'est qu'ils sont constamment en mouvement. Uh-huh. Ils suivent les courants. À cause de l'eau. Hein. Exactement. Ça reste pas là en place. Et c'est là une des plus grandes difficultés. Mais pourquoi, c'est ce que le jeune Néerlandais s'est posé comme question, pourquoi on se déplacerait, puisque l'océan le fait déjà, en raison des courants? Donc, afin d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie, l'idée de Boyan Slat, j'avais oublié de vous mentionner son nom, consiste à ancrer des filtres ou des espèces de barrages géants à des endroits spécifiques de l'océan et qui vont les débarrasser des déchets flottants. Reste plus qu'à les intercepter parce qu'ils passent par là. En fait, c'est ça son idée. Et comme on l'a déjà mentionné, les endroits où se concentrent les déchets de plastique couvrent parfois des millions de kilomètres. Et là, les nettoyer, ça prendrait là, ça prendrait énormément de temps. Et le problème, c'est qu'il y aurait aussi d'énormes quantités de prises accessoires. Là, je parle des poissons et autres, comme ben des tortues et tout ça. C'est ce qui pourrait se prendre. Si on prend un filet, on va ramasser tout ce qu'il y a dedans. C'est ça. Donc, c'est pas mieux. Là. Donc, la taille des déchets, en plus, varie énormément. En utilisant un barrage flottant au lieu de filet, là, il y a des zones beaucoup plus importantes qui peuvent être couvertes. Et puisque son système de filtration ne possède pas de mailles, c'est pas comme un filet, mais même les plus petites particules vont être détournées et extraites. Et ça se traduit par pratiquement aucune prise accessoire, selon sa théorie. Okay. C'est donc d'ailleurs un des avantages les plus significatifs de son projet. Parce que, en fait, le transport de débris de plastique le long des rampes, parce qu'en fait, c'est comme une espèce de bateau flottant, et de chaque côté, il y a comme des bras. Et ça va amener les déchets, mais à la même vitesse que le courant. Donc, s'il y a des organismes, ils peuvent s'en échapper. C'est suffisamment lent. Il n'y a pas un courant qui les aspire. Et bien sûr, là, comme je l'ai dit, c'est à l'étude et ça devra être testé, évidemment. Là. Les plateformes seraient complètement autonomes. C'est un autre avantage. Ils pourraient fonctionner à l'énergie solaire ou grâce au courant ou aux vagues. Et le jeune Néerlandais avance même que ce serait très rentable parce qu'on pourrait récupérer le plastique et le vendre dans les 5 principaux lieux où se concentrent les déchets. Là, c'est pas le plastique qui manque. Donc, ça rapporterait davantage d'argent, probablement, que le coût d'exploitation même de ce nettoyage-là. Donc, ce serait une invention qui pourrait être très rentable. Mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent pour réaliser ce projet et mettre en place des plateformes et faire flotter des plateformes sur les océans? Parce que la question économique sera toujours là. Est-ce que c'est rentable? Oui, c'est sûr. En fait, là, ils sont en train de faire une étude de faisabilité et compléter à peu près à 25%. Et bien que les résultats préliminaires semblent vraiment prometteurs, ils sont une équipe de 50 ingénieurs, modélistes, experts et étudiants qui sont en train de mettre ça sur la bonne voie. Et une fois la phase d'investigation complétée, ils vont pouvoir présenter ce projet-là comme une solution envisageable et fiable. Et combien de temps est-ce que ça pourrait prendre pour nettoyer tous les océans avec cette technique? Ils estiment que ça serait possible de nettoyer une zone polluée, seulement une, en 5 ans. Donc, il faudrait qu'ils se déplacent ou qu'ils en fassent plusieurs plateformes. Toutefois, étant donné que les courants de surface sont largement influencés par le vent, c'est sûr qu'il va y avoir de la variabilité selon l'endroit. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et ça sera un peu impossible d'enlever complètement tout le plastique des océans, mais Eux disent qu'approximativement le tiers de tout ce qui pollue les océans pourrait être récupéré grâce à cette innovation-là. Mais je trouve que 5 ans, c'est quand même un temps raisonnable considérant l'ampleur de la chose, parce qu'on parle de millions de kilomètres carrés et de centaines de millions de tonnes. Donc, en terminant, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut retenir que l'élément le plus important, ce serait la combinaison d'extraction des océans et la prévention sur les continents afin de se débarrasser de ces déchets-là dans nos océans, parce que c'est il faut prévenir aussi là, à la source, comme on l'a dit, il faut fermer le robinet, puis après ça, il faut se ramasser. Donc, pour y arriver, je pense que tout le monde a un rôle à jouer. En partant, là, c'est diminuer évidemment notre surconsommation. De se conscientiser, puis de diminuer notre surconsommation et de recycler nos déchets de plastique, puis d'essayer d'en acheter le moins possible là, des trucs en plastique. Effectivement. Oui, parce que même si les plastiques récupérés permettent de rentabiliser les plateformes, c'est quand même absurde d'aller les chercher en mer. Quand on l'a apporté de la main sur Terre, finalement. Merci beaucoup, Mélanie, pour cet excellent reportage. On va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, on se déplace en Corée du Nord.